Paris, violon, ça. Nous y voilà. Après avoir effectué trois fois le tour de la place Diana, ou plutôt de la statue équestre de George Washington, histoire de donner à sa chérie un aperçu de leur nouvel environnement, Maxime gare le cabriolet juste à côté de la sortie du métro, devant le musée Guimet. Mon amour, je ne t'ai pas tout dit sur moi. Je m'en doutais, mais encore. Je ne travaille pas que pour la machine à bulles internationale. Ah? Non, il m'arrive parfois de recueillir des informations pour certains services gouvernementaux. Et c'est ici qu'il me loge. Je vais donc te demander de te faire extrêmement discrète, de ne pas piper mot devant la loge du concierge et de me suivre en faisant le moins de bruit possible. Dac, souriant en coin. Un peu sceptique tout de même, Faustine empoigne une de ses lourdes valises et suit son homme qui trimballe l'autre à grand-peine. Mais qu'est-ce que tu as mis là-dedans, des livres? Au numéro 1, rue de Longchamp, il entrebâille la lourde porte. À l'intérieur règne une fraîcheur et un silence de catacombe. Un escalier solennel, protégé d'un épais tapis rouge, s'élance depuis la droite, faisant vis-à-vis à la loge du concierge. Entre les deux, l'ascenseur, permettant tout juste de caser les valises, les entraîne jusqu'au cinquième. Ignorant les deux appartements qui se font face, Maxime ouvre une porte donnant sur un escalier en colimaçon. Ici, la moquette est inexistante. L'éclairage faible, visiblement en économie sur la puissance des ampoules. En haut des marches, on débouche sur un long corridor. De chaque côté se trouvent des chambres de bonne. Sans doute servent-elles désormais de grenier d'appoint, car on n'y entend rien ni personne. Les fameux WC sur le palier ainsi que le lavabo commun semblent délaissés également. Il est vrai qu'on est au milieu de journée, mais quand même. Devant Faustine, Maxime sort laborieusement une clé de sa poche, ouvre la porte du paradis. Que c'est beau! Vous voilà chez nous, très cher. Mais encore! On est chez qui, là? Évidemment, c'était salade, ton histoire d'espionnage tout à l'heure. Ah, ah, ah, bien sûr. Je trouvais que l'endroit s'y prêtait bien, pas toi? Oui. Si tu as voulu m'épater, tu as réussi. Mais rien que l'appart était suffisant. Alors, on est chez qui? Chez mon grand copain clarinettiste, Karl Laclairière, et sa femme Julie. Faustine n'a pas assez d'yeux pour tout admirer, à commencer par l'immense poster dans le hall d'entrée, montrant Marilyn Monroe dans Certains l'aiment chaud, entourée de Jack Lemmon et Tony Curtis. Il siège en bonne place, juste derrière une antique machine à sous que Maxime s'applique aussitôt à faire fonctionner, se tournant vers sa compagne. Que je t'explique, mademoiselle. Volontiers. Je connais Karl et Julie depuis mes 20 ans. Il m'a souvent laissé faire le bœuf avec son orchestre. Aussi, beaucoup plus tard, quand j'ai ouvert le pied bleu, je l'ai invité à mon tour. Julie et lui ont eu la chance phénoménale de trouver cet appartement bénéficiant de la loi de 1948. Kizako? On appelait ainsi certains logements construits avant le 1er septembre 1948 dans des agglomérations d'une certaine importance. Les loyers restaient bas et, clause spéciale, on ne pouvait pas se débarrasser des locataires à la fin du bail. Génial! Et tout ça dans le 16e, sacré coup de bol! Et vu le nombre de pièces ici, au moins 4 à vue nez, ils ont des enfants, tes amis? Oui, deux garçons. Là aussi, c'est une belle histoire. Figure-toi que Karl adore les comiques américains, plus particulièrement Tony Curtis et Jack Lemmon. Julie, elle, est fan de Marilyn Monroe. Ainsi, ils ont prénommé leur fils Tony pour l'aîné et Jack pour le cadet. Je vois, comme sur le poster de l'entrée. Exact, et comble de bonheur, les deux sont des musiciens de talent. L'aîné est batteur, le cadet trompettiste. En ce moment, ils sont en tournée sur les plages de France avec leur père et son orchestre. C'est grâce à eux, à Europe 1 surtout, qui les a engagés, qu'on peut loger ici jusqu'à fin août. Sympa, n'est-ce pas? Ces mômes sont incroyables. Karl m'a raconté que depuis qu'ils savent jouer, ils font la manche dans le mitrou. Ils ont déjà gagné assez de blé pour se payer un studio. Ce jour-là, ils ont décrété que leur père était exempté d'argent de poche. Il n'avait pas 18 ans. Hilarant, non? L'appartement est tout simplement extraordinaire, entièrement décoré par Julie. À droite, les chambres des garçons, un peu en retrait, à gauche, celle des parents. Plus loin, la salle de bain, puis la cuisine. Max explique qu'à l'origine, le logis faisait partie d'un luxueux duplex. Les propriétaires l'ayant scindé, le dernier vestige en est l'unique WC, accessible par un étroit escalier en colimaçon. C'est déjà inhabituel, mais ce qui enchante Faustine, c'est que l'enrobage entier de l'escadrin est habillé de livres de poche du sol au plafond. Pour peu que l'endroit soit chauffé, voilà de quoi s'occuper quelques soirées d'hiver. Le salon à lui seul vaut le détour. Intégralement lambrissé de bois foncé, poutres comprises. Sur la gauche, on découvre un coin salle à manger comportant une imposante table en chêne massif. De l'autre côté, une méridienne à deux places fait face à la bibliothèque. Une collection de disques en occupe la plus grande partie. La télévision, le bar et quelques livres se disputent le reste. L'unique fenêtre, immense au milieu de la pièce, offre une vue imprenable sur la place d'Iéna. Les murs libres sont tendus de toiles de jute vertes. Maxime raconte que Julie a tout tapissé elle-même. Elle est débrouillarde comme pas deux, dénichant les tissus au marché Saint-Pierre à Montmartre, ainsi que tous les meubles et objets, comme la machine à sous par exemple, ou les éléphants en céramique qui sont de chaque côté de la fenêtre, dans les brocantes ou au marché aux puces de la porte de Saint-Cloud. Voilà notre royaume pour un mois, chère madame. Faustine en prend plein la vue. Belle illustration d'ingéniosité. Tout est de bon goût et chaque chose à sa place. Elle se fait la promesse que quand elle aura son chez-soi, tout ce qu'elle y mettra, meubles, bibelots ou utilitaires, sera beau, pas forcément cher, et choisi avec soin. C'est vraiment superbe. Merci, monsieur, pour la visite et les explications. Bon, tu n'as pas faim? Si, mais nous sommes dimanche. Tout est fermé dans le quartier. Demain, je pars tôt à la mine. Il y a de la route à faire. Je propose que ce soir, on grignote dehors, pas trop tard. Ensuite, on passera à la huchette et je te présenterai quelques potes. Tu auras tout le temps de ranger tes affaires, remplir le frigo et chercher du travail. Pendant le reste de la semaine, c'est cela, oui, tu as tout compris. Faustine avait oublié à quel point le quartier latin était vivant et joyeux. La rue de la Huchette, parallèle au quai Saint-Michel, est saturée de marchands de frites, merguez, restaurants asiatiques et grecs. Le souper ce soir-là consistera pour elle en une demi-baguette garnie de frites et de merguez, justement. Des frites bien grasses, bien molles, bien blanches, comme en Belgique. Faustine adore ça. Il se fiche pas mal de la graisse. Tout comme de l'ambulance qu'elle voit s'éloigner, transportant sans doute un client téméraire. Le caveau de la Huchette fait le plein comme tous les soirs, paraît-il. Derrière le bar, officie Ignace, grand prêtre des lieux, maître escocktail en tout genre. Il ne tarde pas à prendre Faustine en amitié. Pour elle, il baissera ses prix. En bas, dans la cave, c'est l'orchestre de Maxime Souris qui mène le bal. Maxime et lui sont potes depuis toujours. Alors, bien sûr, il ne tarde pas à le rejoindre sur l'estrade avec sa clarinette. Pendant la pause au QG du Notre-Dame, l'incontournable bistrot sur les quais de la Seine, Faustine fera un peu mieux connaissance avec la bande. Pour l'heure, son verre à la main, elle s'installe dans un coin et profite du spectacle. Intérieurement, elle exulte. Ça y est, ils sont ensemble, son homme et elle, à Paris, et libres, enfin presque. Lundi matin. Trouver un magasin ouvert en outre dans le 16e, quel gageur! Quant au marché de fruits et légumes, ma gâche, il va falloir se débrouiller autrement. Pour finir, Faustine a déniché du pain en remontant la rue de Longchamp. Heureusement, il y a une épicerie italienne à mi-chemin, ouverte toute l'année. Rentrée à l'appartement, Faustine poursuit ses explorations. C'est tellement amusant de découvrir les secrets d'une maison inconnue. La jeune femme enquête. Elle ouvre tous les placards. Dans la salle de bain, elle tente de comprendre le fonctionnement de la machine à laver et celui de l'étrange dispositif antidéluvien qui semble servir à sécher le linge. À moins que ce ne soit les cheveux. À la mi-journée, Faustine s'est approprié le territoire, rangé les courses, les produits de toilette. Il est temps de prévoir le retour du travailleur. Sans se compliquer la vie pour autant, pain, camembert, tomate, yaourt. La cuisine mijotée de Ginette Mathieu attendra des jours pluvieux. La jeune mariée, sans connaître toutes les habitudes de son chéri, sait qu'il déjeune à satiété. Ainsi donc, les petits déjeuners seront copieux, les soupers légers. Ses contingences matérielles réglées, Faustine ouvre le journal qu'elle n'a pas omis d'acheter. Il lui faut trouver du boulot et un appartement, vite. Tiens, on embauche une couturière surfileuse chez Germaine et Jeanne, rue Cambon. Et si je tentais ma chance ?